L'homme pour payer sa rançon de champs aux tufs profonds et riches qu'il faut qu'il remue et défriche avec le fer. Pour extorquer quelques épis des pleurs salés de son front gris, sans cesse il faut qu'il les arrose. L'un est là et l'autre l'amour. Lorsque de la stricte justice.